Kanga Santa Fe, Maloba Baboti, Maloba Amazabe, quel que soit ta beauté, moi pas risqué ma vie. Écoutez ce que maman disait chaque soir en Angaï, qui ne risque rien à rien, il faut risquer ta vie. Moi côté gagner ma vie lentement et sûrement, avec le temps ça fait moi la maman toba la vie. Ça fait moi la yama. Je n'en peux plus, adieu l'ami, moi porte kaki, tu portes un paga. Adieu, adieu, adieu l'ami, oh. Je n'en peux plus, adieu l'ami, moi porte kaki, tu portes un paga. Adieu, adieu, adieu l'ami, oh. Adieu, adieu, adieu mon calamé. Adieu, adieu, adieu l'ami, oh. yango na tengami na limwe o mobala kosonga ndako na solo ya masanga ekoma na tongo apesi ngai explication sando nini basomba bilei na explication na bamili buta o nga mwana mama na nzuluki na tengami yango na tengami na limwe o motema o mama motema ekolembaka esange décision koseka ekobongwanaka mai na biso après le jour tokomi bindemi angai natengami yango natengami na limwe o pardon seigneur polingo elekaki ngai ye zongisanga na libumu ya mama na napona jour mosusu ya kitoko ya kobotama nakobanga na mokili noki bapesa ngai nkombo natengami yango natengami na limwe o natengami po paseleki manyolo baninga bakinelanga banyongo mpona futaka te ezalaki soki na loti ye na butu e ata pongi esili na boyikola muka natengami yango natengami na limwe o ami nakosenga na yo ntango nyonso amura bosembo tozala lokola kali na deba bana tuluze tozala lokola tai seigneurita ye na kele tozala lokola ivone na sam na banyole natengami yango natengami na limwe o se to pesa na kiela kama na yo na sima oko singa ozongi simo libre mpaya ya we ulingo na biso ya sekele obosani emili li pasa na ka yebisa na papa batela ulingo na biso mama lelelele thank you. Iva, oh oh oh Kenzo, Marara mama alemba. Ya masika na kinyo, na ya wana pariti, mawa migie, je bisano. tinga mayo eh nabo tinga mayo nabo tinga mayo eh chantano nabo tinga mayo eh nabo tinga mayo nabo tinga mayo eh chantano moto na kana ki ko vibre na e kino liwa angaye lelo atenga minzambe na sala ninyo na mela posa bona kumpa chantano mawe sali kai akangi misope na plele Mayo, la botina mayo, la botina mayo.